Kanyangi. Mardi 2 novembre, bonjour auditrice, auditeur de la radio Isanganiro, voici les grands titres de cette édition. 1200 journalistes ont été tués dans le monde entre 2006 et 2020, selon l'Observatoire de l'UNESCO des journalistes assassinés. C'est en ce 2 novembre dédié à la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. En province Ngozi, la construction des hommes pour enseignants dans chaque commune contribuerait à un meilleur rendement scolaire, vous l'entendrez. La chronique santé de ce mardi est centrée sur la cataracte, sera avec l'ophtalmologue Lévi Kandeke. Et en international, on vous parlera de cette grande conférence sur le climat qui se tient en Écosse du 1er au 12 novembre de cette année. La mise en onde est assurée par Eric Kouimana. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons médias et justice. Et pour débuter cette édition, plus de 1200 journalistes ont été tués dans le monde entre 2006 et 2020 et près de 9 cas sur 10 de ces assassinats restent impunis. Ceci se trouve dans l'Observatoire de l'UNESCO des journalistes assassinés. C'est au moment où chaque 2 novembre, le monde célèbre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée instaurée après la mort à Kidal au Mali des journalistes français Claude Verlon et Gisèle Dupont. Cette résolution, la résolution de l'ONU a exhorté les États membres à mettre en place des mesures précises afin de lutter contre l'actuelle culture d'impunité. Le point avec Arthur Kavaouchi. En 2006 et 2020, plus de 1200 journalistes ont été tués dans le monde et près de 9 cas sur 10 de ces assassinats restent non résolus judiciairement selon l'Observatoire des journalistes tués de l'UNESCO. L'impunité mène à un plus grand nombre d'assassinats et représente souvent un symptôme d'aggravation des conflits et d'effondrement des systèmes de droit et de justice. L'UNESCO s'inquiète que l'impunité cause des dommages aux sociétés entières en dissimulant de graves violations des droits de l'homme, de la corruption et de la criminalité. Les gouvernements, la société civile, les médias et ceux qui se soucient du respect de l'état de droit sont invités à se joindre aux efforts globaux pour mettre fin à l'impunité. En reconnaissance des profondes conséquences de l'impunité, notamment en ce qui concerne les crimes commis contre les journalistes, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté lors de sa 68e session en 2013, la résolution qui proclame le 2 novembre Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cette résolution a exhorté les États membres à mettre en place des mesures précises afin de lutter contre l'actuelle culture d'impunité. La date a été choisie en mémoire de l'assassinat de deux journalistes français au Mali le 2 novembre 2013. Arthur Kavaouché, la construction des hommes pour enseignants dotés d'énergie solaire dans chaque direction communale de l'éducation en province Ngozi faciliterait la tâche pour certains éducateurs prestant loin de leur domicile, s'absentant ou accusant d'importants retards au service. Lors des échanges sur l'état de l'éducation entre une délégation de la coalition Wafashebige en visite de travail dans la province du nord du Burundi et les responsables administratifs et éducatifs, il a été convenu que ces retards et absences figurent parmi les causes des échecs scolaires en province Ngozi. Les détails avec Apollinaire Muzagar. Parmi les causes du rendement non satisfaisant des élèves en province Ngozi figure la distance séparant les domiciles de certains enseignants et leur lieu de travail. Bon nombre vivent le chef-lieu de la province ou des communes, alors que leurs écoles sont trop éloignées. Les enseignants passent un bon bout de temps à la sortie de la ville attendant des véhicules ou motos pour les livres, c'est-à-dire les déplacer sans payer de l'argent, d'où le retard exagéré, voire l'absence en cas de pluie. Ceux qui parcourent ces longues distances à pied n'enseignent pas convenablement à cause de la fatigue. Le chef du personnel à la direction provinciale de l'enseignement en Ngozi, le conseiller juridique du gouverneur Ekassien Gachirahamne, vice-président de la coalition Fachéligue, propose la construction d'au moins un homme pour enseignant dans chaque direction communale, un homme doté d'électricité issu des rayons solaires. Par alternance, ces enseignants pourraient passer quelques jours près de leurs écoles et regagner leur famille après, ce qui pourrait, selon ses responsables, contribuer à l'amélioration du rendement dans cette province classée 6e au dernier concours national. Une place non satisfaisante pour les responsables provinciaux de l'éducation qui envisagent tout faire pour se classer parmi les premiers cette année. Donc on dit à Pone Muzagara, Radio Isangani. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page commerce. Certains des acheteurs de sucre en mairie de Bujumbura s'inquiètent du manque de ce produit depuis vendredi, disent certains. Des alimentations et des boutiques de vente du centre-ville de Bujumbura visitées ce mardi n'en possèdent pas. Au niveau du bureau de liaison de la Sosumo situé dans la ville de Bujumbura, l'on tranquillise, le sucre est disponible. La distribution est en cours suivant les communes, affirme Jean-Pierre Nzobandora, chargé de la communication à la Sosumo. On l'écoute. Les camions sont en train d'être chargés. Au moment même où je vous parle, les camions sont là, les manœuvres sont en train de charger le sucre. Nous sommes maintenant à 11h, quelques minutes, midi moins, j'atteins déjà à peu près 100 tonnes qu'on est en train de distribuer aujourd'hui, pas de problème. Seulement, la façon de distribuer le sucre dans la mairie de Bujumbura, nous distribuons le sucre par quartier, par quartier. Aujourd'hui, c'est le tour d'Ongagara, c'est dans la commune de Bonahangwa. Demain, on va recevoir que les gens de Busaga, Kinindo, Avenue du Large, Kiwenga, vous voyez, ça c'est la commune Moha. Après, demain, c'est Rohero Alimentation, ça c'est la commune Mukaza. Nous faisons cela pour éviter une agglomération. Une agglomération accrue qui permet de bloquer la circulation. Alors, il est normal que dans une alimentation quelconque, vous pouvez entrer et entendre qu'il n'y a pas de sucre. Mais nous, nous nous plaçons à la place du consommateur. Si nous programmons aujourd'hui Ngagara, nous nous mettons à la place du consommateur et nous supposons que celui de l'autre commune aura besoin aussi de demain. Après Ngagara, c'est Musaga. Après Musaga, c'est Rohero. On recommence le cycle. Nous retournons dans la commune de Donahangwa. Donc nous essayons de ranger les quartiers, donc par commune, pour essayer que tous les coins soient servis. Jean-Pierre Nzobandora est chargé de la communication à la Sosumo au micro de Omer Ndouayo. Et l'administration à la base, les chargés de l'éducation et les responsables sanitaires en mairie de Bujumbura sont appelés à délivrer à temps et sans condition les documents nécessaires pour la candidature à l'entrée dans les corps au sein des corps de police au PC1. Didas Mazoya, chargé du recrutement au sein de la police en mairie de Bujumbura, l'a annoncé ce mardi dans une réunion avec les concernés. Il demande aux autorités à la base de veiller et à éviter toute forme de tricherie, que ce soit sur l'âge, l'état civil et l'ethnie des candidats policiers. Et la vente du charbon attire plus de femmes dans la commune Mugina de la province Cibitoke. Ces femmes précisent que cette activité est plus rentable comparativement à d'autres qu'elles faisaient avant. Ceci est affirmé par le chef de Corinne Nyeshenza, qui estime que ce commerce ne s'inscrit pas dans la pratique des hommes de cette localité. Les précisions avec Lydia Gahimbare. Nous sommes au marché Nyeshenza, dans une localité réservée pour le commerce du charbon, communément appelé Mukamenge. Plus de 50 femmes sont à cet endroit, entourées par des sacs de charbon. Des clients achètent du charbon. Ces femmes disent qu'elles faisaient cette activité il y a quelques années. Moi, je fais le commerce du charbon il y a au moins 14 ans. Dans la vie quotidienne, je fais le commerce du charbon sur ce marché. J'achète du charbon dans la commune Mabayi et je peux le vendre sur place. Je peux gagner 2000 francs par sac. Si j'ai eu 10 sacs de charbon, je peux avoir alors un bénéfice de 10 000. Par là, je peux couvrir mes besoins. C'est moi qui dois me faire battre afin de nourrir mes enfants. Elle rassure que le commerce du charbon est plus rentable par rapport à d'autres activités qu'elle faisait. Auparavant, je cultivais chez quelqu'un qui m'en payait 10 000 et je ne parvenais pas à nourrir mes enfants. Mais aujourd'hui, avec le commerce du charbon, je peux gagner 5 000 ou 4 000. Franchement, c'est plus rentable. Le commerce du charbon attire plus de femmes par rapport aux hommes, disait-elle. Souvent, les hommes ne s'intéressent plus au détail. Seulement, ils vendent ou préparent du charbon. Et nous, les femmes, nous nous occupons de ce commerce par détail. Cet avis de ces femmes est partagé avec le chef de Corinne Nyeshenza, qui estime que le commerce par détail du charbon ne s'inscrit pas dans la pratique des hommes. Elle appelle d'autres femmes à faire toutes sortes d'activités génératrices de revenus et de ne pas se moquer du commerce du charbon comme faisaient certaines femmes. Lydie Gahimba, parlons de cette brève en international avant de suivre la chronique santé de ce mardi centrée sur la cataracte. Eh bien, on vous parle de cette grande conférence internationale sur le climat, la COP26, une conférence des parties qui se tient en Écosse du 1er au 12 novembre de cette année. Eh bien, en marge de cette grande conférence, une centaine de chefs d'État et de gouvernement dont les pays regroupent 85% des forêts mondiales s'engagent pour mettre un terme à la déforestation. La déclaration des chefs d'État en faveur des forêts sur l'utilisation des terres est présentée comme un accord sans précédent en faveur de la protection des forêts. Parmi les pays signataires, il y a le Brésil, l'Indonésie ou encore la République démocratique du Congo. Les États signataires s'engagent donc dans une série de mesures politiques et économiques en faveur notamment de la restauration des terres dégradées, la lutte contre les feux de forêt ou encore le soutien aux populations locales. Et pour financer ces mesures dans les pays pauvres, plus de 12 milliards de dollars de fonds publics seront mobilisés sur 4 ans. Au total, 12 pays développés ont annoncé leur contribution financièrement, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Corée, le Japon ou encore les États-Unis et le Canada. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé de ce mardi, c'est sur la cataracte, une maladie qui touche les yeux. L'ophtalmologue Lévi Kandeke précise qu'une vision floue, une sensibilité accrue à la lumière intense sont les symptômes de cette maladie. Le facteur de risque principal est l'âge, dont les plus de 65 ans sont les plus touchés par rapport aux autres. Cette maladie peut être congénitale, donc les enfants qui naissent avec la chronique santé de ce mardi est signée Ornella Mucho. La cataracte est un trouble de la vision qui survient lorsque la partie de l'œil en forme de lentille appelée cristallin perd sa transparence. Le spécialiste en ophtalmologie, Lévi Kandeke, précise que la baisse de la vision se produit lentement sur plusieurs années. Le premier symptôme, c'est une baisse de l'acuité visuelle. Vous avez l'impression que vous voyez moins bien au courant des mois et des années. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la photophobie. Vous supportez très mal la lumière, surtout une lumière qui vient en faisceau, comme les phares de véhicule. Ils sont très, très gênantes. Mais aussi, vous avez d'autres symptômes. Vous avez l'impression que vous avez des couleurs qui sont beaucoup plus ternes et beaucoup moins vives qu'avant. Tous ces symptômes-là peuvent vous faire penser que vous avez une cataracte. Les causes sont variées. Les personnes présentant une forte myopie ou le diabète sont plus à risque de développer la cataracte. Dans d'autres pays, surtout les pays sahariens, la cataracte se développe à un âge beaucoup plus jeune. Mais ici au Burundi, c'est autour de 65-70 ans qu'on commence à voir des personnes qui développent une cataracte. Ensuite, bien sûr, certaines maladies systémiques, comme le diabète, sont souvent responsables d'un début de cataracte précoce. Vous commencez à développer une cataracte à 45-50 ans. Ensuite, c'est surtout chez les jeunes, les traumatismes. Quand vous avez quelque chose, un coup dans l'œil, au bout de quelques temps, vous développez une cataracte. Mais dans ce cas-là, c'est souvent une cataracte qui se développe dans l'œil qui a reçu le coup. Et il y a bien sûr les maladies oculaires, ce sont des maladies surtout inflammatoires, comme les uvéites, etc. Certaines infections, s'ils ne sont pas soignés à temps, ils peuvent faire que, en définitive, vous développez une cataracte. Les examens sont alors faits pour mesurer l'acuité visuelle. Alors, pour confirmer la cataracte, c'est très simple. Vous mesurez l'acuité visuelle, combien la personne voit. Ensuite, avec une machine qu'on appelle la lampe à fente, vous observez le cristallin qui normalement doit être transparent et clair comme l'eau de roche et commence à s'opacifier. En ce moment-là, vous faites le diagnostic de cataracte. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus touchées par rapport aux autres, mais aussi cette maladie peut être congénitale. Dans notre prochaine chronique santé, ça sera sur le traitement adéquat pour soigner le patient. Merci à Onela Mucho et au docteur Lévi Kandeke pour toutes ces précisions sur la cataracte. Première partie, voilà, à 13h11 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser. Eric Kouimana qui a assuré la mise en onde. Je dis merci. Très bon après-midi à tous. Au revoir.